Il voit de toutes parts, comblé d'heures, sa famille. La javelle à plein poing, tombée sous la faucille. Le vendangeur ployé, sous le fait des paniers. Et semble qu'à l'envi les fertiles montagnes, les humides vallons et les grasses campagnes, s'efforcent à remplir sa cave et ses greniers. Il suit, aucune fois, un cerf par les foulées, dans ces vieilles forêts du peuple reculé, et qui, du même jour, ignore le flambeau. Aucune fois, des chiens, il suit les voies confuses, et voit enfin le lièvre, après toutes ses ruses, du lieu de sa naissance, en faire son tombeau. Il soupire en repos, l'ennui de sa vieillesse, dans ce même foyer où sa tendre jeunesse a vu dans le berceau ses bras emmaillotés. Il tient, par les moissons, registre des années, et voit de temps en temps leurs courses enchaînées vieillir avec lui les bois qu'il a plantés. Il ne va point fouiller aux terres inconnues, à la merci des vents et des ondes chenues, ce que nature avare a caché de trésors, et ne recherche point, pour honorer sa vie, de plus illustre mort ni plus digne d'envie que de mourir au lit où ses pères sont morts. Agréable désert, séjour de l'innocence, où loin des vanités, de la magnificence, commence mon repos et finit mon tourment. Vallon, fleuve, rocher, plaisante solitude, si vous fûtes témoin de mon inquiétude, soyez-le désormais de mon contentement.